Fleur de Jade, épisode du bombardement de Fuchéou, par Lydie Pachkov. Le comte de Ville Sombre se promène sur la véranda de la maison des douanes de l'Empire à Fuchéou. Tom, son chien de chasse, le suit des yeux, tout en restant paresseusement étendu sur la peau de léopard jetée près du lit de repos de son maître. Le comte Henri, filleul du comte de Chambord, est le type de la race affaiblie, efféminée, des anciens preux datant des croisades. Ses aïeux, des colosses, supportaient de lourdes armures, gouvernaient des chevaux bardés de fer et gagnaient des batailles. Le comte Henri avait maintes fois endossé la casaque légère du gentleman rider et gagné, haut la cravache, des courses, tant sur le turf de Longchamp que sur ceux de Pékin, Canton et Hong Kong. En ce moment, son front se plie sous la préoccupation des soucis causés par la boiterie de Duck, son cheval favori. Il pense que si ce cheval, sur lequel il compte pour solder ses dépenses d'écurie, lui manque, il est perdu de dette. Même en Chine, pays du crédit patient, il ne trouve plus de quoi suffire à payer ses jockeys chinois et les dépenses de son écurie de course. La figure fine, le profil aristocratique du comte, toute sa personne même, fluette, élancée, gracieuse, mais brisée par la fatigue des veilles, exprime une détresse faisant peine à voir et contrastant avec le correct de sa tenue. Pourtant, ce n'est pas un garçon dénué de talent que le comte Henri de Villesombre. Il parle et écrit l'anglais et le chinois comme un céleste. Il monte à cheval comme un descendant des croisés qu'il est. Il ne manque pas d'esprit, et sous une autre forme de gouvernement, il eût été un diplomate habile ou un brave officier doué de courage et de force nerveuse, cette force des hommes et des chevaux de race. Mais il a cru devoir à son nom historique de ne pas servir d'autre gouvernement que celui d'Henri V. Et Henri V mort, il est resté en Chine, se considérant non sans raison comme une épave des sociétés disparues. Après une demi-heure de tête-à-tête avec Tom, dont l'œil intelligent fixe le regard éteint de son maître, le comte passe la main sur son front et frappe dans ses mains, manière chinoise de sonner les serviteurs. Son boy, Nassi, paraît. « Ma chaise, commente-t-il, il faut 4 porteurs, je vais hors de la ville. » Le boy, avec la rapide obéissance des serveurs asiatiques, se tourne et descend le grand escalier de la maison. Sur la véranda du premier étage est remisée la chaise en rotin et en bambou du comte. En un clin d'œil, les porteurs sont prêts. Le comte descend et s'installe paresseusement, avec ce bris d'un corps surmené par la vie à outrance, et se tournant vers Tom. « Allons, Tom, mon vieux, allons !» Et Tom, joyeux, se précipite, avec des aboiements, en avant des porteurs. La chaise à porteurs est un véhicule fort agréable pour rêver. Tout en suivant les sentiers de la concession européenne, le comte rêve. Il pense à son aïeul, gentilhomme de la cour du roi Louis XIV, à son arrière-grand-père, miraculeusement sauvé par sa fille lors de la Révolution, sa grand-mère à lui, cette célèbre mademoiselle de Villesombre qui ne répugna pas à boire un verre de sang, à son enfance, à sa jeunesse, environnée de respect avant 1848, et au naufrage de la fortune des deux villes sombres. Puis il se dit « Et moi, au service de la Chine, ah, il est temps d'en finir. Pourtant j'aime, je suis aimé. Pauvre fille, que n'as-tu choisi un autre plus digne de toi, plus vivant que moi ?» Les porteurs descendent vers le fleuve pour passer le pont et entrer dans la ville chinoise. Ils traversent des rues remplies de monde, courant, criant, hurlant, s'agitant en vue des petits intérêts de la vie journalière. Le comte, toujours affaissé dans sa chaise, le regard fixe, ne veut rien voir de cette cohue qu'il méprise. Un gong, frappé en mesure, avec solennité, précédant le Tao Tai et sa suite, le tire un moment de sa torpeur. À la vue de l'énorme parasol rouge porté devant la chaise du Tao Tai, parasol qu'il accroche au passage, il se réveille un moment pour faire le chin-chin de rigueur, les deux mains réunies et balancées de bas en haut plusieurs fois. Le Tao Tai lui rend son salut. Le comte de Villesombre se nomme le seigneur Sam, en chinois. Sous ce nom, il est fort considéré par les célestes. Il est mandarin de 3e classe, un descendant des courtisans de Louis XIV mandarin. L'as-tu rêvé, ô grand roi, et cela, pour rester fidèle à ta race. Peu après cette rencontre, les porteurs du comte tournent brusquement à gauche et se trouvent dans un quartier calme, habité par les notables de la ville. Sur le pas des portes, les serviteurs fument, tout en causant avec cet éternel gazouillement propre aux Asiatiques, aux Africains, gazouillement sans intonation brusque, rappelant celui des oiseaux dans les arbres. Bientôt, le pavé irrégulier cesse. Les porteurs entrent dans un sentier pittoresque, bordé de kiosques chinois roses, vert pâle, bleu pâle, jaune citron. Ils montent par un escalier en pierres irrégulières et entrent dans une première cour, puis dans une seconde, et déposent le comte à la porte d'un kiosque très élégant, toit relevé en pointe et orné de dragons dorés, porte en bois précieux sculpté. L'extérieur en est entièrement recouvert de plantes grimpantes à grosses fleurs violettes, jaunes et roses. Le comte entre dans un atrium à ciel ouvert, au milieu duquel, au-dessus d'un bassin, sont suspendues une quantité de cages en filigrane dorée, habitées par des oiseaux chanteurs. Des vases immenses, remplis de plantes et de fleurs, entourent la margelle en porcelaine du bassin, où baignent des nénuphars rosés, où nagent des poissons de différentes espèces, roses, argentés, dorés et rouges. Le comte traverse le salon et pénètre dans une chambre à coucher meublée à la chinoise. Dans le fond, un lit ressemblant à un petit kiosque carré, un des plus beaux spécimens de l'art ancien, semé de houppettes de soie multicolore. Les carreaux de porcelaine sont recouverts d'épais tapis de Pékin à fond blanc et rouge. À la suite de cette chambre, une vaste salle de bain, en porcelaine d'un bleu de ciel après la pluie, donne sur une terrasse, d'où partent des escaliers qui escaladent le faîte de la colline et mènent à une autre terrasse, au milieu de laquelle il y a un autel à brûler des parfums odieux. Le comte monte à cet autel. Il fait résonner un gong pendu à une traverse en bronze et abrité par un toit en tuiles rouges vernissées. 20 minutes se passent. Il allume une cigarette, la mâchonne, en allume une autre, tout en regardant vers une petite forêt de bambous et de banyans qui borde la terrasse à droite. Tom, qui accompagne pas à pas son maître, renifle l'air du côté de la forêt, se consulte, et se précipite à la rencontre de la personne, ou plutôt des personnes, que son maître attend avec tant d'impatience. Une jeune femme apparaît encadrée par les branches flexibles des bambous qu'elle écarte de ses deux mains. Elle a une figure ovale, des yeux malins, des cheveux noirs relevés et retenus par des épingles de jade garnies de rubis. Une énorme perle brille sur son front. Cette perle, à la possession de laquelle tiennent tant les Chinoises, qui ornent le sommet de leur tête et qu'elles ne quittent jamais. Les boucles d'oreilles et les autres bijoux sont en jade, mêlés de saphirs, de rubis et d'émeraudes, qui se détachent en points brillants sur le vêtement en satin vert d'eau très pâle et brodé d'or de cette fée céleste. Le comte de Villesombre va vers elle et l'aide à descendre du haut du talus. Ses tout petits pieds peuvent à peine porter son corps léger. Il l'aide à marcher, pendant que son amas, une robuste femme du peuple, l'abride sous un immense parasol en soie rouge brodée de dragons bleus. L'amas est aussi joli que sa maîtresse, mais dans un autre genre. Ses jambes brunes sont nues, ses pieds aussi. Elle porte un pantalon très court en soie indigo. Par-dessus, une espèce de côte étroite, à manches larges, de la même soie molle et souple. Ses bras sont ornés de bracelets en argent et en jade blanc de lait. D'immenses cercles en argent, dans lesquels passeraient ses deux fines jambes, lui servent de boucles d'oreilles. Une longue flèche du même métal retient son chignon garni d'œillets rouges panachés. Elle a l'air énergique et ressemble à un page. Wu Chang adoré, fleur de jade, clair de lune de ma vie, aspiration de mes rêves, que tu me fais souffrir dans l'attente d'apercevoir les étincelles de tes regards, dit le comte en chinois mandarin, le langage raffiné de l'empire du milieu. Mon père, le mandarin Su Fangfo ne me laisse jamais seul. Le palais est plein de monde du matin au soir. À peine si j'ai pu m'échapper pour un moment, sous prétexte d'un vœu odieux. Vœu que Fi Jen, mon amas, va accomplir pendant que je cause avec toi. En effet, Fi Jen allume l'une après l'autre, sur l'autel, une douzaine de bougies parfumées au santal qu'elle a apportées du palais. Bientôt, la fumée des bougies s'élève dans l'air pur et calme et monte vers le ciel, symbolisant la prière, s'élevant de même vers l'infini. Le comte prend Fleur de Jade dans ses bras. « Quand te décideras-tu à avouer notre amour à ton père ?» demande-t-il. Appartenant au parti de la jeune Chine, il est éclairé. Il ne me repoussera pas, moi surtout qui suis exilé de la patrie pour toujours. et je ne puis vivre sans mon nénuphar blanc, mon jasmin parfumé. Tes yeux sont les étoiles de mes nuits. Chère fleur de jade, décide-toi. Mon père ne pourra rien me dire avant que les hommes de ton pays ne cessent de nous menacer de leurs armes. Attendons un peu, espérons. Tu sais si je t'aime, puisque je suis à toi, tout à toi. Dès que les vaisseaux de ton pays auront quitté la pagode et que la paix sera certaine, je parlerai à mon père, sois-en sûr. Et fleur de jade penche son visage, semblable à une de ces fines teintures sur papier de riz, de chinoise idéale. De ses lèvres roses, elle baisa le front soucieux du comte, puis sourit en montrant des petites dents blanches et brillantes. « Viens-tu dans notre kiosque, l'abri aimé de nos amours ?» demande le comte, en baisant tendrement les petites mains chargées de bagues de fleurs de jade. « Non, pas aujourd'hui, demain, » répond la jeune fille. « Je suis trop inquiète. On n'est pas tranquille chez nous sur les projets des Français. » Depuis quelques moments, on entendait un chant accompagné du son de gong et de timbales frappées en mesure. Soudain, une procession déboucha d'un des sentiers de la colline. Des dévots venaient déposer des offrandes et brûler des bougies sur l'autel pour supplier les dieux de sauver la ville de Fucheu des incursions des diables de l'océan, surnom donné par les Chinois aux Européens. Fleur de jade et son amas s'enfuient vers la forêt et disparaissent. Le comte reste seul. Après avoir chin-chiné les principaux personnages de la procession, qui sont des notables de Fucheu, il descend les escaliers, se remet dans sa chaise et se fait rapporter sur les quais de la concession européenne, où il trouve le consul de France en train de déménager sur son houseboat, son yacht de rivière, pour rejoindre l'escadre mouillée près de l'arsenal. « C'est donc la guerre, » demande le comte, « que la République déclare à la Chine. Ils ne peuvent nous laisser tranquilles, même ici, nous autres, pauvres exilés. »« Non, ce n'est pas la guerre, » répond le marquis de Sors. « C'est une démonstration, une attitude belliqueuse, une... « Enfin, » interrompit le comte, « c'est la guerre à la nouvelle mode. Attendez, messieurs, c'est nous qui tirerons les premiers, pas comme à Fontenoy. »« Allons, allons, vous êtes aigris, cher comte. Que voulez-vous ? C'est stupéfiant, mais c'est ainsi, » répond le consul. « C'est la guerre sans déclaration de guerre. »« Du reste, cela m'est assez indifférent, » répond le comte. « Et naufrage pour naufrage, les bombes qui détruiraient mes écuries m'éviterait le souci de payer mes dettes. Guerre avec déclaration ou sans déclaration, résultat identique. Mais comme j'en ville une femme qui m'intéresse, vous me rendrez le service de me prévenir pour que je la sauve. Je vous en donne ma parole, répond le marquis de Sors. Le comte serre la main du marquis et regarde le houseboat démarrer du quai, disparaître entraîné par une mouche à vapeur et descendre le fleuve Mine en plein retour de marée. Il va alors au cercle, mais il n'y trouve que quelques Anglais et quelques Russes fort ennuyés, troublés dans leur sécurité, ne sachant s'il faut rester ou partir. Pourtant, chacun a envoyé ce qu'il a de plus précieux sur son houseboat et attend les événements. Toute la nuit, la concession européenne est troublée par les cris des coulisses déménageant l'or et l'argent de la Hong Kong Shanghai Bank, les meubles précieux des villas. Les lanternes officielles aux armes des consulats circulent de tous côtés. Chacun les emprunte à son consulat respectif. Le matin, dès l'aurore, le comte reçoit un billet du consul. De la pagode, septembre 1884. Cher, si vous avez quelqu'un à sauver, c'est le moment. Le bombardement commence à 2 heures. Tout à vous, de Sors. Nancy, vite, ma chaise ! Crie le comte, épouvanté. Les coulisses volent, portant le comte à Fucheu. Ils entrent dans un grand palais chinois. Le comte demande à parler au mandarin Su Tangfo. Les serviteurs lui répondent qu'il est parti pour ses terres, sur les bords du Yangfu avec sa fille, Fleur de Jade, et toute sa famille. Ils se sont embarqués dans 8 jonques. « Mon Dieu !» crie le comte. « Arrêtez-les ! Ils doivent descendre le fleuve jusqu'à la pagode, pour tourner dans la branche du Mine qui reçoit le Yangfu. On va bombarder l'arsenal à 2 heures. Courez !»« Il est trop tard, » dit le comprador, l'intendant de la maison. Le seigneur Su Tangfo a emmené toute sa famille, 150 personnes. Bouddha les sauvera, si le malin esprit ne leur est pas contraire. Ils sont partis hier soir au lever de la lune. Tout dépend du vent et de la marée. S'ils ont bon vent, ils sont à l'abri, loin dans le fleuve. Sinon, que les dieux les protègent. Le comprador, consterné, entouré des 200 serviteurs de la maison, se désole. Traversez l'île avec vos gens. Vous pourrez peut-être leur être utile. 2 heures, c'est suffisant pour arriver à l'autre bout. Prenez les chaises avec vous, dit M. de Villesombre résolument. Quant à moi, je vais prendre une mouche et je descends le fleuve vers la pagode. Le comte monte dans sa chaise et vole de nouveau vers la concession européenne. Sur le quai, beaucoup d'Européens regardent au loin et écoutent, attendant les premiers coups de canon. Mais, par prudence, ils ne s'embarquent plus, sachant qu'il est trop tard et que les audacieux pourraient être coulés dans le fleuve. M. de Villesombre ordonne de faire avancer sa mouche. Il y monte, à la stupéfaction des Européens qui le préviennent du danger. La mouche prend son élan, le comte, debout sur le pont, ôte son chapeau. « Adieu, messieurs, » dit-il, « un bon souvenir si je suis coulé par une bombe républicaine. » 2 heures après, il est vis-à-vis de la pagode. Il fait stopper et attend. Il n'a pas vu les jonques du mandarin. Ou elles sont en avant et sauvées par les détours du fleuve, ou bien attardées par une cause ou une autre dans quelques criques, et elles vont arriver. Nasi, son boy, lui dit « Le mandarin Su Tongfo est peut-être resté au couvent de Kuchou. » Et il montre le pic de la célèbre montagne, but des pèlerinages des dévots de toute la Chine. « Dieu le veuille !» répond le comte. La flotte est prête. Le branle-bas de combat est fait. Le marquis de Sceaux renvoie une chaloupe pour prendre le comte. Il refuse fièrement et reste. Son capitaine chinois le prévient que les jonques du mandarin sont en vue, ignorantes du danger. Elles s'avancent lourdement, tranquillement, vers le milieu du fleuve, pour tourner l'île en évitant les bancs de sable. Le comte fait virer de bord et va à leur rencontre avec l'espoir insensé de les arrêter. Mais la marée les porte vers l'ennemi, de la force de tout son courant. Au moment où le comte, debout sur la proie de sa mouche, gesticule pour attirer l'attention des matelots des jonques, Fleur de Jade soulève le rideau en soie de sa cabine puis se rejette vivement en arrière. Tout d'un coup, le canon commence à tonner et les bombes tombent drues sur l'arsenal. Comme elles sont dirigées du côté opposé, le mandarin, qui a enfin compris, fait appel à ses hommes. Faisant force de voile et force de rame, il tâche de se sauver en aval de la rivière. Trop tard, un autre cuirassé commence à lancer ses bombes contre les canonnières chinoises. Et aux yeux du comte désespéré, fou de douleur, la jonque contenant Fleur de Jade est coulée, sans que, par pudeur de grande dame chinoise, la jeune fille se soit montrée hors de l'abri des rideaux de sa cabine. Le comte anéanti cesse de commander, et son équipage accoste le houseboat du marquis de Sceaux, qui se trouve à l'abri, en avant de la flotte. Là, le comte regarde et voit le fleuve plein de cadavres, qui, portés par la marée, descendent vers l'océan. Parmi eux, il reconnaît la robe de satin vert pâle de Fleur de Jade. La perle sur son fond brille au soleil. Elle est pâle mais belle. Dans son linceul d'eau, une vague la recouvre. Il ne la voit plus et tombe évanouie. La nuit descend sur cette scène de carnage. Le comte s'éveille couché sur le pont d'un des cuirassés. Il est entouré de ses compatriotes. Un docteur lui fait respirer des sels. Il se lève, soutenu par Nasi, son fidèle boy, et va s'appuyer sur le bastingage. Il est mal éveillé de son long évanouissement. Un désespoir profond le terrasse. Rêvant dans sa douleur latente, le moi n'existe plus. Il n'a qu'une sensation de souffrance continue. « Oh, messieurs, voyez, c'est étrange !» dit un officier à un de ses camarades. On regarde. On voit passer plusieurs brûlots remontant le fleuve, poussés par la marée de l'océan qui revient, et entre deux brûlots flotte une forme brillante, blanc-verdâtre. La lune répand des rayons satinés sur la tête d'une jeune femme. Une grosse perle reluit en rouge sous les lueurs des brûlots, en vert blanchâtre sous la lueur blafarde de la lune. « Fleur de Jade !» s'écrie le comte. Et avant que personne puisse le retenir, il plonge dans le courant impétueux qui l'entraîne, attaché à Fleur de Jade, vers le pays mystérieux où il n'y a ni Chinois ni Européens, où il y a une âme immense dont les parcelles animent les enveloppes terrestres de nos amis et de nos ennemis. Malgré toutes les recherches, on ne put retrouver ni le corps du comte ni celui de Fleur de Jade. Les fleuves de Chine rendent rarement leur proie. Ainsi s'achève Fleur de Jade de Lydie Pashkov.